Laurence et Stéphane se sont infiltrés au festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon afin d'interviewer dans la pénombre les amateurs d'histoires obscures et les auteurs de romans noirs. Osmose Radio avec vous. Alors le Festival du Polar à Villeneuve, ce ne sont pas que des écrivains, parce que pour qu'il y ait des écrivains, il faut qu'il y ait des lecteurs. Pour qu'il y ait des lecteurs, il faut qu'il y ait des écrivains. Et alors sur ma gauche, le jeune homme là, qui est aussi amateur de littérature policière. Et quel genre de littérature policière ? Très hétéroclite, très éclectique, depuis les fondamentaux, Wilkie Collins, en passant par aussi la littérature d'Europe du Nord, avec des personnages comme... Wallander, Blomqvist. Wallander, c'est un personnage, mais l'auteur. Personnage, oui. Alors, il ne faut pas me troubler parce que après, je vais mélanger mes petits pinceaux au niveau de la relation personnage-auteur. Et donc, sur les autres types de littérature policière, je m'intéresse aussi à la littérature policière marseillaise. Iso, Carrez, par exemple. Donc Pédemouche et la princesse du désert, Khéops, etc. Total Khéops, etc. Total Khéops, oui. Khéops, tout à fait, voilà. Mais ça, c'est des fondamentaux aussi. Et puis, quelqu'un que j'aime énormément, Donald Westlake. Voilà. Et puis, le meilleur de tous les auteurs de romans policiers, c'est Jacques Lacan. Parce que l'inconscient est le coupable, on ne l'arrête jamais, et même Columbo, il ne peut pas l'arrêter. C'est dommage, il n'était pas invité. Merci beaucoup en tous les cas. Hein. Ça fait plaisir de rencontrer des lecteurs tels que vous, Jacques Lacan dans la littérature policière. Stéphane, note. Le Festival du Polar de Villeneuve-les-Avignon aura lieu prochainement les 9 et 10 novembre 2018.